j'écoute plus ceux qui nourrissent les trains que nous servent les adorateurs du dieu du cercle. Leurs histoires Galianique et autres pilvesés. Je m'entends pas le coquillard. Ce qui m'importe, c'est de revenir sain et sans au sanctuaire. Prenez-en de la graine. On avance prudemment et on trimonne pas tout. Je vous rappelle ce qu'on cherche. Des objets dentés comme celui-ci. Prenez garde, on doit demeurer silencieux pour pas éveiller les craintes que nous nourrissons. On apporte avec nous, on sème au dedans. S'ouvrir ses mains parce que lorsqu'on se saisit d'un artefact, il y a l'art et la manière quand on entre en contact. On ne sait pas ce que l'on va absorber. On écoute. On n'est pas seul dans le dédale. Pas les choses que nous racontent les vieux adorateurs des dieux du cercle. Non, ça, oubliez, les petits. Non. Non, non, non, non, non. Faut pas avoir peur de se souiller. Pas avoir peur de salir. Et on fout pas ses doigts n'importe où. Compris, Elio. Oui. Ton nez n'est pas un refuge. Je te l'ai déjà dit. Outre que c'est malséant, on sait pas où tu vas fourrer ton doigt après. Et il est dégoûtant, ce monde. Tu me fais honte, je t'emmènerai plus en expédition. C'est ça, c'est ça. Et quand t'auras une bestiole qui tombera sur le rable, tu viendras pas pleurnicher. Parce que moi, je viendrai pas te chercher. Quand tu seras trouvé dans un trou du temps, tu pleurnicheras pas pour avoir l'aide de brindilles. Hein? On doit être léger, mais ça veut pas dire qu'on laisse ses mains s'envoler n'importe où. Elles sont souples, souples, bloc, bras, on fait chaud. Et toi? Les bras tendus, sinon ça sert à rien. Allez, on continue d'avancer maintenant. Et on fait attention. C'est glissant. Partout, ça sointe. Il y a plein de choses étranges qui rôdent et qui grouillent sous le feuillage. Entre les pierres, il y a des troncs qui émergent, qui se sont livrés un passage entre les moellons disjoints du dédale. Partout, il y a des traces épaisses marquées dans la boue, des traces de pas, des traces coulées. Les choses ont rampé dans la boue, se sont glissées au-dedans. C'est un vent qui ne parvient pas à dissiper les remugles qu'exhale la terre spongieuse dans laquelle nous avançons. Brindille, la chef de l'expédition de nettoyeurs, une bande de sauvageons venus des villages, et guère plus âgés que ceux qui l'accompagnent. Une vingtaine de printemps, peut-être un peu plus, difficile à dire. Son visage est toujours maculé de boue, sa chevelure en désordre, ses vêtements plus fonctionnels qu'autre chose. Elle vit dans le sanctuaire, parmi ses ouailles, coule au mi-temps de ce qui fut une rue. À chaque décrochement, on s'attend à voir surgir quelque chose, des broussailles épaisses sur les murs, il semble palpiter d'une vie propre, exhale des odeurs fortes. On ne voit pas ici la lumière du jour, et partout il y a de nouveaux objets, de petites pièces métalliques, tout rouillées, recouvertes d'une gangue verdâtre, roussâtre, selon ce qu'elles furent autrefois, à demi enfouies dans la boue. Faut avoir l'œil exercé pour déceler dans le sol, parmi les traces de pas, ce qui est une trouvaille des simple déjection d'un animal qui est passé plus tôt par là. Peut-être est-ce un crabe des dieux du cercle, qui sait. Un crabe. C'est la pince que tu as trouvée dans le sol. Et que je me suis... Tu aurais pu... Elle aurait pu atteindre ton oreille, qui sait. Oh non, pas encore. Après, l'oreille, le doigt. Dans les herbes, on entend un reniflement. Et comme si un de ces chiens était là. Mais ça fait longtemps qu'on n'en voit plus. Oui, t'entends le reniflement? Oui. C'est un chien? Qui sait, c'est peut-être mon chien que j'ai perdu. T'as eu un chien, toi? Bah oui, regarde, j'ai même sa laisse. Au revoir. Mais t'éloigne pas trop. Comme ça. C'est bizarre. On dirait qu'il est fait de métal. C'est bizarre. Ça fait peur. Et c'est bizarre. Viens voir. Oui. Regarde là. Oui. On dirait chien. Mais en fait, un truc en métal dessus. Une espèce d'écaille. Et t'as vu sur sa tête? Oui. Il y a une grosse plaque métallique là. Là. Attends, je touche. Ah, ça bouge. Bah oui, ça bouge. Mais c'est un vrai chien, ça. Bah oui. Mais on dirait pas. Le chien. Le chien. Au lieu de parler de chien et de faire un miami avec l'autofab, je t'ai demandé d'aller chercher des culs de chien. Alors remue-toi les fesses. Dis au revoir. Mais il y a un chien. Regarde, il y a un chien. C'est des culs de chien, je te dis, que tu dois chercher. Mais il y a un chien. Regarde, il y a un chien là. En plus, il est tout mignon. Mais il fait un peu peur. Hein. Mais juste un peu. Hein. Mais il est tout mignon, viens voir. Mais c'est pas un cul de chien. Mais c'est un chat. C'est un chat ou un chien? Un chien ici. Ah, j'ai compris, un chat. La malentendu. Arrête de faire le duo, là. Mais c'est près d'un chien. C'est jamais qu'un tas de rouille. Mais non, c'est un chat. Regarde, il bouge quand je le touche. Méfie-toi qu'il te... t'ébranle pas le ciboulot, qu'il te grille pas ce qui te reste de neurones. Le chien. Mais en plus, j'en avais un pareil avant. Ah, duo, cesse de bassoter. À l'ouvrage. Je te dis qu'il faut que tu portes tes culs de chien, sinon t'auras rien aux retrouvailles. Mais c'est quoi des culs de chien? C'est idiot. Les culs de chien, ça tombe des arbres à chiens. Il y a des arbres à chiens? Des arbres à chiens, oui. Ah, ça veut dire que... Parce que c'est des les culs de chien, ils tombent de là. Ça, quand c'est mûr, là, regarde, les feuilles, elles sont grosses, c'est le moment. Quand c'est mûr, le cul de chien, il est tout blé, il va moisir. Et ben, quand il est prêt à être colonisé par les champignons, et ben, il est bon à manger. Mais... on peut manger du cul de chien. On va manger des chiens? Du cul de chien, te dis-je. Et ça veut dire que y a des... les chiens, ça pousse des arbres? Les culs de chien, ça pousse des arbres. Ah, c'était pour nous. Le chien. Tu pousses des arbres, le chien. Mais il fait peur quand même. Ah, il m'a touché. Oh, il me sniffe. C'est le but d'un chien. Pourquoi il remet pas de la queue? Bah, je sais pas. D'habitude, ça remet. Parce que c'est qu'un tas de rouille. Mais regarde ça! Prends ta beaujotte et va chercher des culs de chien, te dis-je. Mais non, mais il y a un chien! Sinon, tu vas tâter de la trique ce soir. Mais c'est un chien, je te dis! Un tas de rouille, te dis-je. Un chien! Et ça? C'est la trique que tu vas goûter ce soir si tu me ramènes pas des culs de chien. Attends, voilà un chien. Il est là. Tu peux le prendre et t'auras ce que t'auras. Oh non mais, oh... Ton chien est en train de creuser des trous là. Il va nous trouver l'autofab qu'il a expulsé. Comme la vilaine rouille qu'il est. Mais c'est un beau chien. Attends un beau toutou. Mais ça remplit pas la panse. Mais il va nous trouver des trucs à manger, le chien. Il nous perd notre temps. Et ça remplit pas la panche, te dis-je. Mais ici, ça remplit la panche. Tu reviendras pas au sauf-lieu si t'as pas de cul de chien dans ta bougeotte. Bah regarde, un cul de chien. Cesse de brésailler. Là, c'est un cul de chien. Regarde. Putain, mais j'en veux pas un. Rempli. Remplis ta tâche, accomplis ce que t'as à faire. Mais j'en ai un, c'est bon, c'est déjà bien. Ta beaujotte doit être pleine. D'ici presque nuit. T'as encore du temps pour l'ouvrage. Ouais, alors, ouais. Tu me prêtes des trucs, ça se voit, ton appelin, ça déborde. Moi, j'en ai un seul. Tu veux pas ça? Ouais, un seul. Ouais, j'en ai deux. Remplis ta beaujotte, te dis-je. Ou tu t'attrapes la trique avant de rentrer au sauf-lieu. Et si tu reviens aussi bredouille que t'es là, mon dieu, tu resteras dehors avec ton chien de rouille et toutes les bêtes qui peuplent nos cauchemars. Il n'y a pas de place pour les feignasses. Cesse de bésailler. M'a-t-on dit que t'étais péteux? Je pensais pas que t'étais aussi bésailleux. Ah, je suis heureuse d'avoir ça. Ça sent mauvais. Ceux qui savent s'observer eux-mêmes et qui gardent la mémoire de leur impression, ceux-là qui ont su, comme Hoffman, construire le baromètre spirituel, ont parfois à noter dans l'observatoire de leurs pensées de belles saisons, d'heureuses journées, de délicieuses minutes. Pourtant, en ces quarries-là, rien n'était aussi à l'aune de ce propos. Et parmi ceux qui maîtrisaient le moins, enfin qui atteignaient le moins cet état d'esprit, c'était ce lourd, ce lent, ce pénible chien de rouille qui, d'une démarche élastique, ou on aurait dit que c'était un élastique mort, n'était-ce pas plutôt une démarche cadavérique, désincarnée, que cette bête-là, similaire à un daro-daro, faisait là? Ainsi, en mémoire, il surgit une vision. C'est un saint aigle bicéphale et tété sur lequel pend et brûle un martyr. Tout en ce désordre semble se noircir où tout périclite et s'effondre piété. Le spectre croule, il ne fut qu'illusion. Et ce lourd chien de rouille, ce lourd, ce lent, ce noir chien de rouille, en son cœur, il n'est que martyr, et pourtant, déjà, il se transforme, il se mue, et il n'est plus chien, il est dragon. Il fait presque 2 mètres, et il menace celui qui n'a pas assez ramassé de cette semence, et il est bien seul maintenant. Mais face à tout cela, alors que ce dio est en si mauvaise posture, il semblerait qu'une main se tende. Alors, oui, je te mets dans la même, une main face au drapeau. Et donc, juste pour rappel, ça ressemble à ça. Ton chien de rouille, qui domine Non, non, non, non. J'ai dit. Oui, mais il s'est transformé de ça à ça. Ah, son truc, il a cassé ensuite. Pendant que tu finissais ta récolte de Lio, accompagné par moi et le dragon, tu entendis une voix. Enfin, si cela était une voix. Cette voix ne voulait... La chose que disait la voix ne voulait rien dire. Un bruitage. Fait à partir d'une voix. Et soudain, tu vis une créature qui t'attrape à ton sac. Mais redonne-moi tout de suite mon sac. Espèce de redonne-moi mon sac. Cette créature avait de longs bras fins, une tête imposante et un petit corps. Pour courir, elle utilisait ses longs bras. Pour prendre plus d'élan. Tu te mis à la pourchasser. Pendant qu'elle commençait à dévorer ta récolte. Ma récolte! C'est mon bien! Je vais me faire taper les fesses si tu continues de te manger! Voilà, je te réponds dans ta langue. La petite créature s'arrêta et te regarda avec le panier dans la main. Je pris le panier et je courus. Fenouil, tu le vis se faire pourchasser par une petite créature. Attends-moi. Attention, je vais t'arriver malheur. Mais qu'il est dur celui-là. Mais il a volé ma récolte. Je ne vole pas ta récolte, j'ai faim. J'ai faim. Moi. C'est qui me parle? Le... D'accord. Tend son bras gracieux et tremblant. Ne me reconnais-tu pas? C'est moi, Brun Gris. Et toi, tu m'en... Écoute-moi. Mmh. Mais tu sais que je vais me faire taper sur les fesses si tu... Si tu manges toute ma récolte. J'ai faim. Je meurs de faim. Brady. Oui. D'accord, c'est bien. Prends-en une dernière. C'est la dernière. La prochaine, tu la récoltes toi-même. Je ne le sens plus. Mon nez ne m'obéit plus. Les miasmes étouffent mes sens. Pendant ces paroles, le dragon revint vers Ellie et la créature. Elio et la créature, excusez-moi. Elio. Il donna à la créature de quoi se substanter. Au moins, tu n'oublies pas tes amis. N'allez pas dans le vieux sanctuaire. Ou comme moi, l'autophage vous. T'es sûr que ça va, là? Brady? C'est froid. C'est froid. D'accord. Et si on t'abandonnait? Ne laissez pas faire. On m'a des dalles. Non, c'est juste que cette phrase me rappelle quelque chose. Enfin, quelqu'un plutôt. Est-ce que cruel avec toi? C'est parce que j'avais à cœur de te protéger, jeune Dio. Que je me montrais exigeante. Te souviens-tu? Curieusement, ce qui lui tient lieu de main désormais tourne et fait une révolution complète en craquant. Et à chaque rotation, vous avez l'impression que les doigts deviennent des flagelles plus diaphanes. What's this? Said the maid. We're going to see what's going on there, said the wolf. They left the house, but they came back. which we came back in 2 days, and the Lord told Shavala, don't worry, que Nédal, le soir venu, nous avons coutume, nous les sauvageons qui errons dans les méandres de Dédale, d'écouter la prière des élateurs, des dieux du cercle. Nous entendons les autophabes qui récitent inlassablement leurs prières, d'éviter leurs mots sacrés du temps ancien. Nous voyons les lèvres se former, les lèvres s'agiter sur des axes métalliques qui ne sont pas rouillés. J'éprouve une certaine fierté à l'idée que la trouvaille, l'une des premières trouvailles que je fis, ce fut l'un de ces automates exhumés du cœur du Dédale. Et nous avions la faiblesse de croire que nous étions membres de sa communauté, car nous avions droit aux prières, à l'abri de la pluie incessante qui noie les ruines de Dédale, qui sert le doute des hommes et les enjoint à courir les voies déchues. Nous étions tous serrés les uns contre les autres. Cœur de nuit. À l'abri. Loin des menaces du dehors. Loin des créature qui erre dans le Dédale, avide, vorace, féroce. Je pense que c'était mon père qui m'a dit un jour, le monde est la pensée du vent, et le papillon est jaloux de ses ailes. Cette prétention qui nous anime m'a sans doute conduit à ma perte, à vouloir trop avant-fouiller dans les ruines d'Ante. Dans les papiers enfouis, au détour des corridors, ensauvagés par la forêt, par le bois habité. L'odeur d'humus qui rentre même dans les maisons. Pour moi, avait quelque chose de rassurant, mais je savais que mes ouailles, mes sauvageons, ceux que j'aimais tant, même si j'avais du mal à leur montrer, car leur montrer serait montrer une faiblesse et ne pas être là pour eux lorsque le moment retentira. racontions des histoires les uns aux autres. Les uns contre les autres, nous nous rassurons toujours de nos voix proches. Parlons dans l'oreille de l'autre. C'est un murmure. Partagé. Rassurant. Les murmures de nos communautés. Notre communauté. Nous sommes ainsi ensemble. Dans cette case que nous avons aménagée, notre sanctuaire, dans cette case, les uns près des autres, mutuellement nous nous rassurons. Ma hantise, je l'ai confiée finalement. Je l'ai confiée à mes sauvages. C'est de voir l'un de ces redoutables guerriers libérateurs du cœur émerger de la nuit noire, revêtu de ce que je moque sans cesse, ces dieux du cercle, ces dieux habités par cette énergie qui palpite depuis des éons au-dedans, sous le sol qui nous vient de l'autre monde, ces êtres encapuchonnés qui s'abritent derrière un verre translucide et qui ont pour seuls yeux les âmes mêmes qui font vivre les artefacts de l'autofab. Ces êtres encapuchonnés de noir qui me guettent au cœur de mes cauchemars. Et sitôt que j'ai évoqué ma crainte, elle est devenue comme l'une de ces images gelées dans le temps, ces gelées de souvenirs que l'on recueille sur du papier dans le temps, dans le thé. Et nous avons évoqué avec Aloé l'un de ces cauchemars. Le bois noir, elle est toute seule, et erre un énorme poisson qui flotte dans les airs et se faufile entre les troncs des arbres. Un poisson immense à l'odeur infecte de chair putride, de vieux marais. Au barbeau dégoulinant de vase et à la gueule avide, avide, avide de se saisir d'un enfant d'homme ou même d'un cton. Et moi-même, très vite, ce cauchemar d'Aloé, il est devenu le mien, me retrouver seul dans le bois, avec cet énorme poisson. Thank you. petite chétive cachée derrière un arbre, ne demandant qu'à échapper à cette immense créature qui se glisse dans la nuit. Erre à la recherche de ses proies. Si bien que, lorsque j'ai entendu retentir le bruit et que j'ai vu l'ombre se dessiner derrière mes deux sauvageons préférés, encore et toujours, ni Séphore, ni Glalune, ailleurs regardaient, contemplaient ces écrits dentés, perdus dans ses rêveries, n'avaient pas vu la créature approcher. J'ai plongé la main au tréfonds de l'obscurité, sachant pertinemment que sur moi, je répondrai. Je verrai le plus sombre des champs d'outle irradier mon corps à jamais, et jamais je ne serai plus la brindille qu'ils auront connue. Mais eux, échapperont. Et moi, je m'abandonne à cette atroce sensation de brûlure qui ravage mon corps. Et je me perds dans le bois pour ne pas répandre le mal qui est entré en moi, pour ne pas répandre la lumière noire qui inonde mon corps, ronge mes chairs et me condamne à errer bientôt comme un cton. Ça va? Oui, et toi? Tu as pas l'impression d'avoir changé un peu? Non, pourquoi? Regarde tes pattes, enfin, tes mains, tes pattes, tout ce que tu veux. Ah oui. Oh oui. Ça te choque pas plus que ça? Ensuite, mon chien blindé. Ouais. J'y attends maintenant. T'auras été tout dans ta vie. Bon, va avertir tes parents. Comme ça, ils vont pas être étonnés de te voir. Ni avoir peur de toi. Quoi? Oui. Quoi? Oui, quoi? T'as une langue pour parler? Voilà, ton chien qui parle. J'ai faim. Tu as faim? Bah, mange l'herbe. Ça sent la viande. J'ai faim. Ça sent la viande. Manger. Pas manger. Manger. Pas manger. Gardera l'autre pour un prochain mois. À moins qu'il ne préfère une main et qu'il garde l'autre pour demain. Je préfère ta main. Ne cède pas dans les options. Mais moi, je prends cette option-là. Alors, je me fiche de ce que tu prends. Ce n'est pas toi qui décides. Oula! Bah, ça va se bagarrer. J'ai une dague. Sinon, c'est moi que je vais utiliser. En poulet rôti. En chien rôti. Sais-tu que ça se mange de chien? Sais-tu que les petits sauvageons comme toi se mettent en jeu si bien? Même plus? Ouais, non. Ouais, mais non. À deux contre un, je dirais que ta voix vaut moins. Il y a le cton avec moi. Ouais. Moi aussi, j'ai d'autres amis imaginaires. Mais... Brindille ! Ils sont loin d'être ordinaires. Qu'est-ce que tu veux encore ? Qu'est-ce que c'est que ce cabot ? Ce cabot, comme tu dis, a faim. Comment ? Faut se méfier de ces... Manger. Méfie-toi, c'est des choses dentées. On ne sait jamais comment ils réagissent. Ils sont parfois déréglés. Ça sent la viande fraîche. Oui, il m'a l'air particulièrement déréglé celui-là. Nous sommes d'accord. Il a l'air d'être orienté programme larbin. Pourquoi, mais... Larbin ? Puis-je le piquer ? Mon nom est Elio. Larbin. Tu m'agaces fortement. Larbin. Va chercher nos noces. Les seules noces que j'attraperai, ce seront les tiens. Ah, tu vas fêter mes noces, dis-tu. Tu vas fêter mes noces. Faisons la ronde, sauvageon. Allez, dans nos loups la main. Je vais mourir. La la la. En revanche, la chanson du petit ver. Voilà. Qui a vu? Non. Qui a vu tout venu? Qui a vu dans la rue tout venu? Le petit ver de terre. Qui a vu dans tout venu? Dans la rue. Le petit ver tout nu. C'est le loup qui l'a vu. Le petit ver tout nu. Tout menu. Non. T'as oublié le tout menu. Non. Non. Il n'y a pas le tout menu. Excuse-moi, mais je l'ai réécouté. Je connais cette théorie. Mais... Grattons un peu derrière son oreille, ce brave Elio. Flattons son ego. Mais arrête, hein. Il va se rouler par terre. Bouille-toi par terre dans la boue. Hein? Hein, la boue? Hé, hey, la boue. Coucou. Coucou. Ben, tu vois, il ressemble déjà plus à un sauvageon comme ça. Oui, oui, oui. Et plus du tout un séclébard de l'autophabe. tu peux toujours faire ouf ouf. On a bien vu tes petites dents. Tes petites dents blanches. Et qu'est-ce qu'on chante le soir venu? Alors, j'ai vu dans la rue le petit ver. Ouaf, ouaf, ouaf, ouaf, ouaf. Ah, peut-être que comme ça, oui. Et c'est ainsi qu'il oublia qu'il avait faim. Oui, oui, oui. Ouais. Qui a vu dans la rue tout menu le petit ver lui sent. Qui a vu dans la rue le petit ver tout nu. Alexane est un petit ver tout nu. C'est évident. Évident. Comme de l'eau de rose. Je suis mort. Propre, carré, professionnel. De génération en génération. On lève le petit doigt. C'est bien, c'est bien. Bon chien, chien. C'est un bon chien, chien. Il est poli. Il boit dans un verre d'eau avec le petit doigt levé. Il ne rigole pas. Regardez l'horizon. Soudain, je le vis partir préoccupé, comme s'il avait vu quelque chose et qu'il allait avoir de plus. fil de ta sœur. T'étais aussi volatile. Il n'y a pas d'aile. Mais quelque chose de volatile, c'est par extension quoi que ce soit. Enfin, ça peut être quelque chose de rapide, de fugace. C'était juste pour que j'aille. Comme tu étais. Le Cton se différencie des autres par sa peau noire. Et ses yeux sans pigmentation. Donc un être sans grand intérêt, qui ne lui aucun mieux. Soudain. Elio apparu en train de pourchasser un petit ver. Encore un spectacle. Bon, on saurait se passer. Il vit la statue. Il vit la statue. What? C'est un petit verre venu, ça. C'est peut-être noir, c'est du racisme. Mais les verres tout nus, c'est pas noir, c'est rare. C'est pas un verre tout nu, c'est un Cton. C'est quoi ce truc-là? C'est encore une de vos histoires qui fait peur, là? Non. Barney, qu'est-ce que tu penses de ça? Vivant, et le papillon est jaloux de ses ailes, soudain devenue morte dans l'œil du chien. Au milieu des artefacts, au milieu des craquements, miasme délétère qui s'échappe de cette pièce obscure. Les yeux morts du poisson. Du poisson qui hante le bois. Me confirme toute la détresse dans laquelle je me trouve. J'ai abandonné mes petits sauvageons qui errent innocents à la surface douillette, sans prêter attention aux dangers qui les guettent. En moi, je sens le mal qui me ronge chaque instant. Le ver qui passionne l'innocent Elio me ronge un peu plus les entrailles. Bientôt, il viendra à maturité. Et mon esprit s'effondrera tout à fait. Bientôt, le chancre qui est en moi prendra son essor et sortira de la chrysalide de Cton que je suis devenu. Mes chairs se disloqueront, je ne serai plus cette statue inquiétante qui, l'espace d'un instant, a focalisé l'attention de mes jeunes sauvageons. les abstraits des réels dangers. Moi qui croyais avoir pris toute la charge de lumière noire, je me suis juste condamné à ne pouvoir leur porter secours lorsqu'ils en ont le plus besoin. Mais déjà, mon esprit se déroute. Mes souffrances s'éloignent à mesure que mes chairs deviennent cette chitine infâme qui retient la gangue dans laquelle pousse le ver qui deviendra ce que je serai, ce que pour place et doux, innocemment. Dans l'anticrue du dédale, l'éloigne de ses compagnons et le condamne à une forme inéluctable d'abandon. Qu'éprouve-t-on? Que voit-on? Des choses merveilleuses, n'est-ce pas? Des spectacles extraordinaires. Est-ce bien beau? Est-ce bien terrible? Et bien dangereux? Telles sont les questions ordinaires qu'adressent avec une curiosité mêlée de crainte les ignorants aux sans-agents. Et ces questions, elles sont, oh, mille fois trop loin de c'est notre réelle vie, elle qui est entière dictée, tout entière proclamée par cette lumière noire qui s'étend à travers moi, à travers vous, et nous rappelle les odeurs de mille veaux. C'est un joug terrible qui laisse profiler tant de monstres, de sirènes, de dragons, de coquilles, de licornes, de plantes, de chtons, et je ne sais quelle bête encore. Cette lumière noire, elle est longue, elle est là, et semble comme un joug, comme la mère de toutes ces plaies qui ravagent les dernières ruines de cette terre. Et derrière cette lumière noire, pourtant, il y a une toute autre lueur. Une lueur qui, elle, n'est pas dictée par un astre, n'est pas dictée par des bêtes, mais bien dictée par un tout autre champ. Terreur, pas les transformations, les monstruosités, ni les spectres. C'est que les hommes n'entendent plus la voix de la raison. Les hommes qui s'élancent du cœur vers la périphérie de Dédale parcourent ces méandres sinueux. Sur ces canaux bourbeux, explore inlassablement ce qu'ils ont oublié, délaissé, sali, souillé. De ces sanies émergent des trésors surgis des immondices. Peut-être ne sont-ce pas les enfants des hommes. Là, ce chien qui s'avance, la bave à ses babines retroussées, son flair nourri aux éons de l'autophabe, son flair lancé sur la trace de quelques déviants, quelques créatures qui dévient de la norme, celle que la communauté a fixée en son sein pour que le cœur demeure pur dans le royaume éternel, que sa pureté soit sauf et que partout comme au ciel, sous les auspices du vieux, chacun puisse s'épanouir pleinement en dehors de toute souillure. Alors oui, on emploie les vieilles ruses de l'autophabe et on lance ces chiens de rouille sur les traces de leurs semblables. Et leur flair est infaillible. Ils courent vers les leurs avec dans leur les véritables nettoyeurs. Des guerriers du cœur, tout en armes. Leur cœur même déserté de toute arme, de toute passion. Ils pourraient être nés de l'autophabe, comme les chiens de rouille. Suivent la trace. À la main qui porte des armes, prêts à jeter leurs flammes sur les maltronches, les maltraits, tous ceux qui présentent une affection, une souillure, car les gens du cœur n'ont que faire de ces déviants. Les clones, les princes de porcelaine, ceux qui incarnent la pureté, sont les seuls qui vaillent, les seuls qui puissent perpétuer la souche humaine. Ces déviants qui portent la trace de la lumière noire en eux, ces taches noires, le signe que le petit ver nu de l'outle pousse en eux, ceux-là on les élimine implacablement. Revêtus de leur combinaison étanche, ils arpentent le sol et déjà celui-ci gronde de la hargne, de l'outle accumulée qui ne demande qu'à s'épandre, s'épancher. devant nous. Au milieu des décombres, là où nous avons trouvé une merveille, un parloir aux absents, un objet d'antan qui restitue les souvenirs et dit le monde tel qu'il fut, qui donne la voix de l'oiseau humide, le tourbillon des vents et des champs, une petite boîte, haute comme trois pommes, qu'Elio aurait peine à porter. Mais Elio n'est pas parmi nous. Et là, se rue sur nous ce chien de rouille qui suit la trace et nous a flairés, et dans son sillage, les audacieux paladins, les porteurs d'armes du cœur, des hommes en combinaison, tachés du sang d'eux, victimes promis au déchocage. Des jours du vieux. Comment échappons-nous aux flammes, aux armes dentées, celles qui sont chargées de l'outre que l'homme a altéré, l'outre mauvaise qui ronce les chairs et répand la lumière noire. Comment échappons-nous à cela? À la fois le chien, n'oublie pas, et l'eau. Et à la fois le chien et l'eau. Donc, le chien, tu l'oublies, tu es l'eau. Même si le chien tue et va nous bouffer. Le chien, il est lancé sur nos traces. Nous sommes des gamins, des sauvageons. Nous sommes tous les quatre des sauvageons qui cherchons à échapper aux guerriers du cœur qui sont là pour ôter la souillure du monde. Qu'avons-nous pour leur échapper? Soyons inventifs. J'ai la lance métallique qui pourrait emprisonner le chien qui nous poursuit. Et il oublierait ses nouveaux maîtres. Tu l'appelles de tes voeux et tu en fais ton chien. Ouais. Je crois que c'est tout ce que j'ai. Ah, j'ai aussi ma pince.